c'est elle qui te communique la vérité. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et on la commence sous la neige, ça y est, c'est plus français. Elle est bel et bien arrivée et jusqu'en plaine, hein, à Épinal, il y a de la neige. Soyez vigilants sur la route, le déneigement est en cours sur la Nationale 57 entre Remiremont et Épinal. Ça circule plutôt pas mal, en tout cas sur la voie de droite. La voie de gauche n'est pas forcément totalement dégagée, donc privilégiez quand même la voie de droite. Soyez prudents, adaptez votre vitesse. Si vous devez partir travailler, partez un petit peu plus tôt, hein, si vous avez peur d'arriver en retard. Mais voilà, ça y est, la neige a envahi les Vosges et ce sera comme ça jusqu'en début d'après-midi. On en parle tout à l'heure dans la matinale. Allez, on est le lundi 18 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Aude. Le dicton nous dit journée de Sainte Aude ordinairement n'est pas chaude. Bon, on verra tout à l'heure que ce sera le cas aujourd'hui. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui en Lettonie, c'est la fête de l'indépendance. Dans les événements qui se sont déroulés un 18 novembre, 1918, proclamation de l'indépendance de la Lettonie. 1990, Florence Artaud gagnait la route du Rhum. Allez, tout de suite, on fait un point sur le don du sang du mois de novembre et c'est Chris qui nous en parle. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo, 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang, Lorraine, Champagne, pour le mois de novembre 2019 dans notre département. Tout d'abord, comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il est très important d'aller donner son sang, dont voici les dates pour le mois de novembre de notre département. Le mercredi 20 novembre, à Remiremont, au Grand Salon, plus Salon des mariages de l'Hôtel de Ville, situé à l'adresse 1, place de l'Abbaye, de 8h30 à midi et de 15h30 à 19h30. Le mardi 26 novembre 2019, à Leval d'Ajol, à l'espace Dorothée, situé à l'adresse 71, Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Le vendredi 29 novembre 2019, à Le Touly, à la salle polyvalente, situé à l'adresse 2 route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Allez, tout de suite, on fait notre première pause musicale avec Kim Wilde et le titre Cambodia. We'll be right back. C'était Kim Wilde avec le titre Cambodia sur RGM. Il est pile 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 18 novembre 1935, naissance d'Alain Barrière, chanteur français. Son nom ne vous dit rien, mais la chanson dont on va écouter tout de suite un extrait vous dit forcément quelque chose. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait: elle est bien trop jolie, et toi je te connais. Voilà pour l'extrait du titre, elle était si jolie, d'Alain Barrière. Allez, on continue les anniversaires. 1939, naissance d'Amanda Lear, qui a plusieurs cordes à son arc. Hein. Artiste, peintre, animatrice, télé française, actrice, chanteuse. 1942, naissance de Linda Evans, actrice américaine, connue pour son rôle de Crystal Jenkins Carrington dans la série Dynasty. 1960, naissance d'Elizabeth Perkins, actrice américaine, vue dans La Famille Pierre à Feu, Miracle sur la 34e rue dans le rôle de Dore Walker, ou encore la série télé Weeds dans le rôle de Celia Oates. C'est également l'année de naissance de Kim Wilde, chanteuse britannique. 1962, naissance de Kirk Hammett, musicien américain, guitariste du groupe Metallica. 1968, naissance d'Owen Wilson, acteur américain, vu dans Anaconda le Prédateur, Armageddon dans le rôle d'Oscar Choi le géologue, Shanghai Kid 1 et 2 dans le rôle de Roy O'Bannon, Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi, et Mon beau-père et nous dans le rôle de Kevin Rollet, Zoolander 1 et 2 dans le rôle d'Ansel McDonald, Starsky Hutch le film dans le rôle de Ken Hutchinson alias Hutch, Le Tour du Monde en 80 jours, Serial Nosser, Marley et moi, La Nuit au Musée 2 et 3 dans le rôle de Jedediah, Les Stagiaires ou encore Wonder. 1970, naissance d'Elizabeth Ann Allen, actrice américaine connue pour son rôle d'Amy Madison dans la série télé Buffy contre les vampires, vue également dans la série Boo. 1974, naissance de Chloé Sevigny, actrice américaine, vue dans Boys Don't Cry dans le rôle de Lana Tisdale, ou encore Dogville dans le rôle de Liz Hansen. 1981, naissance de Thierry Dussautoir, ancien rugbyman français, ayant fait carrière de 2001 à 2017 en jouant à Bordeaux Bègles, à l'US Colomier, Biarritz Olympique et au Stade Toulousain. 1987, naissance de Jake Abel, acteur américain, connu pour son rôle de Luc Castellan dans Percy Jackson, le voleur de foudre, et Percy Jackson, la mère des monstres, est vu à la télévision dans Les Experts Miami, Grey's Anatomy ou encore Supernatural. 1998, naissance de Victor Carr, l'acteur français, vu en 2009 dans le film Le Petit Nicolas dans le rôle de Clotaire. Et en 2017, décédé Malcolm Young, guitariste austro-écossais, fondateur du groupe AC/DC, qu'on écoutera en fin d'émission, mais tout de suite, on écoute Metallica. Et le titre Nothing Else Matters. Never cared for games they play. Metallica sur le 107FM à 8h48. On fait un point complet sur la météo. La météo. Alors, je vous en parlais en début d'émission, donc la neige est bel et bien là. Soyez vigilants sur la route, je le répète, si vous n'étiez pas présent avec moi en début d'émission, les routes sont particulièrement plutôt bien dégagé, en tout cas sur la RN57, c'est plutôt le cas, surtout pour la voie de droite, la voie de gauche, praticable, hein, mais bon, si vous pouvez éviter de doubler pour éviter de ramener la neige sur la voie de droite, c'est pas mal. Et la neige sera présente avec nous eh bien, jusqu'en début d'après-midi. Après, ça va se transformer en pluie. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 3 et 4 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, ce sera des nuages. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour demain après-midi. Mercredi marquera le retour des éclaircies. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on a beaucoup de choses à voir ensemble en ce lundi matin et on va ouvrir la page football. Tout d'abord avec l'Euro et match pour la qualification. Le dernier match, c'était hier soir pour nos Bleus. Ils ont terminé de la plus belle des manières en s'imposant 2-0 en Albanie. Des buts signés Tolisso et Antoine Griezmann. Ça faisait 7 matchs qu'il n'avait pas à marquer. Et bien voilà, il a inscrit hier son 30e but en bleu. Il égale ainsi Juste Fontaine et Jean-Pierre Papin. Les Bleus terminent donc à la première place du groupe. Le contrat est rempli, mais cette première place ne veut pas forcément dire que les Bleus seront dans le premier chapeau pour le tirage au sort qui aura lieu le 30 novembre prochain. Puisqu'ils ne font pas partie des 6 meilleurs premiers, mais ils devraient terminer dans le deuxième chapeau. Donc bon, c'est pas pire, voilà, c'est bien. C'était la 100e de Didier Deschamps en tant que sélectionneur hier soir. Très beau cadeau hein, que leur ont fait ces joueurs. Donc je vous l'ai dit, hein, le 30 novembre aura lieu le tirage au sort pour cet Euro qui aura lieu donc l'été au prochain dans 12 pays différents. On parle de l'Euro Espoir maintenant, match de qualification. La France s'est imposée 3-2 vendredi soir à Nancy face à la Géorgie et les U17 termine à la 3e place de cette Coupe du Monde puisque hier ils ont battu les Pays-Bas 3-1. On parle maintenant de la Coupe de France avec le 7e tour et la très belle performance du SAS Épinal qui a éliminé le club de Sochaux, pensionnaire de Ligue 2 2-0. Ça passe également pour Raon-l'Étape et Thaon-les-Vosges qui se sont tous deux imposés en Alsace. Raon-l'Étape sur le score de 3-1 face à Oberschaffolsheim et les Vosges 2-0 face au club d'Erstein. Un mot de basket en Pro B, victoire de Nancy à Saint-Quentin sur le score de 77-92. En revanche, défaite du Jet Vosges à Saint-Vallier, c'est de la Nationale 1, hein, 87-77. Et du basket féminin avec deux matchs de préparation au tournoi de qualification olympique. C'était en Espagne et c'est deux victoires en deux matchs pour nos Bleus. Un mot de hockey sur glace avec la D2 et Pinal qui revient de Valenciennes avec une victoire 5-4. Prochain match ce sera ce samedi à la patinoire de Poissompré avec la réception de Courbevoie. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil qui a été remporté par Verstappen. À noter la très belle deuxième place de Pierre Gasly, troisième place pour Sainz, 13e place pour Grosjean et à noter que Charles Leclerc n'a pas terminé. Un mot de cyclo-cross avec la Coupe du Monde en République Tchèque, Steve Chenel a terminé 27e. Et en EKZ Cross Tour, il a terminé hier 20e. Il y avait du tennis avec l'ATP Finals, la victoire inédite en simple messieurs puisqu'elle opposait Dominic Thiem à Tsitsipas qui disputait lui son premier master et premier master, première victoire. Le grec s'est imposé en 3-7 face à Thiem l'autrichien 6-7, 6-2, 7-6. Et en double messieurs, la victoire de Pierre Hugerbert et Nicolas a eu le seul titre qui manquait à leur actif. Et bien ça y est, ils l'ont décroché ce week-end. Et on termine avec du biathlon. La reprise de la Coupe du Monde, c'est dans un peu moins de deux semaines maintenant. Mais il y avait la pré-saison à Souchon avec donc les sélections pour les Norvégiens. Mais pas mal de biathlètes y étaient hein, pour se tester avant donc ce début de Coupe du Monde le 30 novembre. Il y avait un sprint et une mass start. Et côté féminin, le sprint a été remporté par l'italienne Vitozzi devant la toute jeune suédoise Andersen et devant Dorothea Wierer. Troisième pour nos Françaises, c'est une 9e place pour Caroline Colombo, 12e place pour Julia Simon, 16e place pour Célia Aymonier, 17e place pour Anaïs Bescon, 27e place pour Chloé Chevalier. Et 33e place pour Justine Brezaz. Côté messieurs, le sprint a été remporté par Kuhn devant le Norvégien Andersen, devant Martin Fourcade 3e, devant Johannes Bø 4e. Ça fait plaisir à voir Martin Fourcade qui termine de nouveau devant le Norvégien. Et oui, on est chauvin. 6e place pour Simon Détieu, 10e place pour Fabien Claude, 13e place pour Émilien Jinclin, 15e place pour Quentin Fillon-Maillet et 33e place pour Antonin Guigona. Hier, c'était donc les Mastarts. Côté féminin, la victoire de l'italienne Dorothea Wierer devant l'allemande Hermann et la norvégienne Roiseland. 10e place pour Anaïs Bescon, 12e place pour Chloé Chevalier, 13e place pour Célia Aymonier, 25e place pour Julia Simon et 26e place pour Caroline Colombo. On parle des Mastarts, messieurs, et oui, puisqu'il y en a eu deux. Il y a eu une Mastart B et d'ailleurs, Florent Claude, le Vosgien qui court sous les coureurs belges, je vous le rappelle, disputait cette Mastart B. Alors, il n'était pas vraiment content parce qu'il aurait dû participer à la Mastart A. Mais bon, il a participé à la B et il a d'ailleurs remporté cette Mastart. Félicitations à lui. Et dans la Mastart A, la victoire de Martin Fourcade. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le Français lever les bras. Eh bien, ça y est, c'est arrivé. Il termine juste devant Antonin Guigona et un Norvégien Stromsheim, 6e Johannes Bø, 12e Quentin Fillon-Maillet, 13e Fabien Claude, 19e Émilien Jacquelin et 22e place pour Simon Détieu. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale. Si vous n'êtes pas réveillé à 8h55, et bien maintenant, ça va être chose faite. On s'écoute AC/DC, Highway to Hell. N'hésitez pas à monter le son. AC/DC sur RJM. Il est presque 9h, alors je sais pas vous, mais alors moi ce matin, ça y est, je suis au taquet, hein. Metallica, AC/DC, on est parti pour une bonne journée. Et on est parti pour faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 13h30, ce sera la rediff de la Cristoire du cinéma. 15h, salut les 60, 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin. Et excellente journée à tous.